It seems louder. J'entends rien là. Can you turn down the out of the mixer? Oui, bien sûr, cher ami.